Chaque tête, chaque esprit, chaque peuple ni qu'il t'y aille, qui taille. J'ai vu un technique ancestral, le cas miné la lit dans les musiques qui traversaient les siècles. Nous savons que chaque siècle du diesel, pour un cabrit, changer en technique. Tu bois tous les par les PC, beatbox c'est pour la gel. Sauper les peines, nous chaînes, depuis les chaînes, les grèves. Passer pour les ski 400. Alors ça pâtisse, l'un et nous battre PC, poté. Passer le haut choc, c'est le haut chain wash. Plus que jamais, fourrer tes glocks qu'on bloque. Lui t'es solide, pas ni de bonne, pas ni de broche. C'est toi d'où vous êtes, il y est, c'est pour sauver. Vaillant, pas les courir, solide qu'on boit qu'on pêche, hein, pas qu'à pourrir, c'est rété inique, vous faites vivre. Plus encore là, pas fait musique, qui pas festif, qui pas tout touriste, c'est conçu qu'on prenne les saiyans et les arbres, guérillant des voix, coumé à Guinègue. Placata, fais yo vrai vieux nègre, gla, placata, c'est coumé à Guinègue. Fais yo vrai vieux nègre, gla, gla, gla, gla, placata, c'est coumé à Guinègue. Fais yo vrai vieux nègre, gla, gla, gla, gla, gla, placata, coumé à Guinègue. A donc celle vie, en paix qui peut voir tout. Toucher l'horizon, si un fil qui pas cabout. Faut pas en paix de foi, si la route que joue un doute. Pour mener la lutte, faut l'esprit là toujours doubout. En seul mon éveillé, longtemps pis dangereux. Qui mille t'es belle en l'or, ou pas arriver gérer. Ou pas arriver avant liberté à pout, si bref plus viande. Mais pis go l'ennemi à en belle bien en dit dans. Ante j'agirai, ante qu'elle descend au next stop. Qui répéchit en moins bien propre au desktop. Prends bois la bombe et pas chambre ou vine. Mais combat la pas fine, même si vous mettez en sourdine. Si voilà en dit dans un genre persistant. Si garçon tant que vivant on doit être résistant. Sinon fou quand vivant bistant qu'on la restant. Qui absent et nous toujours à don l'éternel recommencement. C'est coup, c'est coup mais à vinaigre. Fais yo vrai vinaigre là. C'est coup, coup, coup mais à vinaigre. Fais yo vrai vinaigre là. C'est coup. Fais le vrai vinaigre là. C'est tout pour mes Mi son ka fun putain, pour comprendre qu'est de l'eau du bout pon de l'eau pon coco kako musique rap. En pas attendre trop longtemps pour un peu fête en moins déjà petit pour faire l'argent déjà qu'attendre boîte en moins. En sentiment en allo, en atterri carinage goulant go voitier mais surtout respecter ka boîte en moins. Ou ma vie nègre qui sortit amputation à l'urical que j'espère m'en fait thorax sans consommation. Vincé à dans la vie malgré les péripéties, si c'est marché avant courir tous les jours en cassouri. Chaque moule joint en chimie toujours capoté on putain ça vend dedans au plus. Ou ni tout ça qu'est au besoin. Ça comme moi en tout en moins qu'il tient en moins à temps. Chaque pas comme un café, il a poupé bon moins ballant. Je n'ai sans mouvement. Le nage à pitié et puis grand. Si nous tout qu'à gagner, ma foi, fait premier tout vent. Nous voilà pour la monnaie sans. Nous voilà pour la monnaie sans. Comme un ami. La pointe c'est pour ce chalet. Mais moi aimé quand c'est moi. Parce que je suis tellement bien. En bas la moi à casse. Incognito, bouc, pas bangas. Ma carrière est la même. Bouc, Mortenol, Loricis, place la victoire. Carénage, Washington, la croix. Très prochaine chère, la pointe. L'allée haïtienne, gaba la police, 23% francs. Ou soit pour 20 euros. En d'autres monnaies, ou courir les francs, les courir les l'euro, et pas pète en passant, c'est l'argent. Et ces messieurs si bon là, y'a pas tiré, c'est pète, y'a qu'à peine l'argent. Alors pas flipper, ou bien triper, ça pas méchant. Et si y'a tiré, courir, c'est garder, puis ou parti. La pointe, la pointe, la pointe, la pointe, la pointe, la pointe, la pointe, la pointe, la pointe, c'est les yeux, mouvement là, c'est les yeux, vibe là, c'est les yeux, mouvement là, la pointe. La pointe, la pointe, la pointe, la pointe, la pointe, la pointe, la pointe, la pointe. Vignou la pointe, ouvrez les linges, il est toute marque. Vignou la pointe, ouvrez crack, zeb. Oh shit, il est tout vis la pointe. Police civile, c'est les cowboys en uniforme. Regardez, yo passé en voiture multicolore. C'était où j'attends. Si yo agressé, respirez sans couler, sinon yo pas déplacé. Alors, si vous pas les bonnes, pas fait grand bang, yo qu'elle est catché. Si yo agace, pas les gangsters à laquelle. Tout le monde va aller la vivoise en bas soleil. Alors, Léo descend la pointe, mis un bon conseil. Pas chercher moun, pas souké, trouver yo, pas fait trop wall. Ou à l'école, allez c'est bad, tenis trop braquage, c'est prêt cool. Porte contrôle, police contrôle. Faut les bons self control. Les cowboys qui descendent si haut. En 406 patrouille, ça pas de vol. Ouais, pas occasionner la ville. Voyager depuis le quai de la danse. Juste l'hôtel de ville. Pas de pas, on est les tirs. Pas de pète fila. Tout ça peut finir mal qu'on vole fila. Au ville, moi c'est la pointe, la pointe, la pointe, la pointe, la pointe, la pointe, la pointe, la pointe. C'est les yeux, mouvement là, c'est les yeux. Vibe là, c'est les yeux, mouvement là. La pointe. Panisan Bed, Jeunesse Guadeloupe, ni Canal Sat et la DSL. Gavé gade télé, on est BT tous les jours, gade filé de voir case. Soit boîte, c'est qu'à péter, qu'à respirer les autres. On est les peuples, là, spectacle, ni le centre des arts, et à côté, ni Henri IV. Mais faut en bas, on est temps, c'est jalousie et matrelage. Faut en parler, on est hommes, moi, c'est Thierry Carunage. Faut en bas, on est temps, c'est des zouk et mouvement plage. Départ, la danse, direction, caravelle, la plage. Ou bien la case, béton, morceau, pont, fraîche, papa. Mais nous, j'avoue, pas si pour d'autres mouvements de base. Alors, si vous aimez, cocotte, bachata et les barabombes. Vous traînez, taïro, vous coupez, ni en pagnol. Il dit, bon, forme et fun. Si, send and sun, c'est tout. Non, un, sexant et con. La pointe, la pointe, la pointe, la pointe. Pointe la pointe la pointe la pointe la pointe, c'est les yeux, mouvement là, c'est les yeux, vibe là, c'est les yeux, mouvement là, la pointe, la pointe, la pointe, la pointe, la pointe, la pointe, la pointe, la pointe, la pointe. Combien fois que fait très pour mon pas dire l'aide. Combien bouquet je les pas ouais, pour mon pas dire frère. Mais nous toutes l'aide. Devant bon Dieu nous toutes prêtes. Lui connaître c'est lui qui met. Ça qui nique tête car elle était douette ouais. Sous moi des mains combien douette. Capoy bolette. C'est qu'on s'y ou demande des mains. Combien conflict ça dans bolette. Combien moun qui point malhonnête. Les ouais la vie t'es trop raide. Combien son âme on connaît. Qu'à sa misère qu'on y mène. Lui mettez pas du lalet. Toi moun qui j'en malin. Pendant bon moun t'es qui est mort. Poudrip qui pas ni valet. Combien fois nous jacale. Jol nous pas si t'es chalé. Et combien nec j'en râle. Frère yo j'y s'en batte, ça bat, mais les mentons, les jeunes prennent yacte. Yo d'accord, mettre ça d'ac, tu paniques, c'est ni on date. Combien à d'or qu'on est système là, y'a pas de check. Combien mon maman pas check. Combien couche à y blague. Allo, allo, allo, ah ouais, machin et puis en pile. Moi pas besoin pour tes si ça qu'a fait de plus en plus. Ça va mon café, mais ça qui bon pas identique. Et c'est tout mon café qui ça que authentique. Yo, allo, allo, allo, ah ouais, machin et puis en pile. Moi pas besoin pour tes si ça qu'a fait de plus en plus. Ça va mon café, mais ça qui bon pas identique. Et c'est tout mon café. Combien de femmes pètent sous main, combien de femmes ont tes deux mains, combien de monde fou, mais qu'à attendre, laissez-les tout main, combien de fois nous j'accoumènes, combien toujours qu'à coumènes, pas qu'à commun, côté combien de quatrièmes, c'est vice qui camène, ça caille de plus en plus loin, combien de sisters qui réel, combien de femmes qui appuient pitain, dis-moi combien de haïtiens, moi depuis 2010, les cyclodines passées, combien souffrent cette liste, ma gadigue, mon satrice, combien de tripes qui pagissent, combien de monde qui m'en fait pendant ni qu'à manger pour 10, les gars qui appuient 55, qui m'ont kické ni plus pète. Combien MC Bec Lash, mais y'a pas vous qui respect. Combien pendant télé, et combien connaître belle. Combien femme j'appellerai, babou qui va fidèle. Combien macrel pas mêlé, serré pour y'a béveillé. Ça fait y'a pas clé, mais c'est en tas, y'a pas clairé. Allo, allo, allo, un chat et puis en pile. M'a pas besoin pour qu'est-ce si ça qu'a fait de plus en plus. Ça va mon café, mais ça qui bon pas identique. Et c'est tout mon café, qui ça qui est authentique. Yo, allo, allo, allo, un chat et puis en pile. M'a pas besoin pour qu'est-ce si ça qu'a fait de plus en plus. Ça va mon café, mais ça qui bon pas identique. Et c'est tout mon café. Mani, comment tu peux mentir? Oh les faux amis, combien politique a menti? Combien sportif fait de senti? Combien petit grandi? Et puis ça autant de grandi. C'est pas du jordi, bouc gentil, qu'à tout n'est bandit. Check les, combien les pensées? Combien n'est-ce qu'à me danser? Combien n'est-ce qu'à me lire? Combien savent sa bloc à penser? Depuis qu'il t'en sait, tu as un mec à commenter. Combien calotte m'a point? Les mentir, oublier, mentir. vague la bande, c'est travail la carpentier. Patron garé, t'as moins dégaré, combien français. Combien nec dégoûté, ouais, manier la francier. Combien moun dans pays à qu'on est vacanciers. Trop chiffre, trop shit, mon point m'en passe à compter. Car j'ai les roumères, du moins c'est blague, m'en qu'à raconter. Bon Dieu, faut nous prier, faut nous pas plier. Mon point ni trop très en café, n'a pas plié. Conlambi, spécial hip-hop créole, on a entendu depuis le début de l'émission Star J Exos, Goumé à Vienneg, ensuite un titre de Star J, La Pointe, Star Exos qui va nous rejoindre dans un petit moment, mais pour l'instant, vous entendez la fin du morceau en lot de Shaq Womack, Shaq Womack qui est avec nous dans les studios. Bonjour Monsieur Shaq. Bonjour Monsieur EDS. Qui vient nous présenter l'album Ou pas à quoi? Sorti Hip Hop Créole. Ça. Et on va discuter avec toi dans un petit moment. On va d'abord s'écouter un morceau avec Boogie Fly en featuring Message Là. Avec plaisir. Ouais. Check Message Là. En flashback, en temps d'esclavage. M'en savent niquer les clashs. Dis-moi, faut m'en tourner la page. Mes gunshots, la jeunesse, mes chatas. Nous qui besoin d'imagination pour y faire la race. La scope et chaque geste, ouais, on les trace. On la souhait, les formes, la télé, puis les fesses en plastique. Tradition, pas élastique. Panier, plusieurs traductions. Ban nous, tambour, mais c'est ça qui est classique. Qui est bête, c'est nous pas mettre en pratique. Identité nous, qui est mon woman, y est tragique. Écoutez, voir mes cocantiques, on dit tac tac. Tic, poulet ou dans le mat, écoute en magique, automatique. Ok, nous l'y force, mais ça nous garde vraiment. Pas ni tellement, moun, pour marcher devant. Pas dit, mais attends, et ça nous ça fait seulement. Combien l'idée qui est pour nous foutre bord de la actuellement. Dis là, attends, t'as la message là, sage là, crache là, t'as la cabane, passage là. Panira les chaises, bot ta place, si ta plata, on nous garde cap là, pas belle fois. Chaque comac la cabane, ta plaque là, panir place, bla bla bla bla, ababa. Check message là. Trop stress, trop m'blessé, blessé. Pendant m'ou pressé, fais sou. Test ou j'y pour business ou agressé au bout. Fais madame ou c'est ça qui l'homme ou actuellement nous cagou. Mais contre quand nous pas pour. Si pote négro, qu'un qui si wote, smoke est vrai. Bon ok, mon péké riposte. Mais ce que bon nous bosse, parce qu'on connaît ça qui sense. Smoke, ça pas jamais n'est moune pièce côté. En ça vous j'attendis. Faut ou river et t'es tranquille alors pas check moune. Kame ça qui coquine, pas jouer les bandits, non. Par contre, nous n'y plus force parce que ça menait les différents gros bandits. Tout le monde a bâti, pas dit tant pis. C'est un qui dans les films, tout le monde a mort sauf le gentil. T'es n'est qu'à mentir, on va de sa fort qu'on grandit. Ça va là, pour grand compiti, pour vivre son caddie. Dis là, attends, t'as la message là, sage là, crache là, t'as la cabane, passage là. Panira les chaises, botte à plat, si c'est ta plata, on nous garde les cap là, pas belle fois. Chaque comac la cabane, tap mic là, panier place, bla bla bla bla, ababa. Check message là, chaque comac, Boogie Flaha. Chaque comac, ton album s'appelle Ou pas quoi? Comment tu traduirais ce titre pour les gens qui nous écoutent? Pour les gens qui comprennent déjà le créole ou pas à quoi, c'est-à-dire ou pas à quoi, tu vois. Et puis pour les autres, comment je pourrais traduire ça, c'est tu crois pas, dans le sens où je vais t'étonner, quoi. D'accord, parce que comme l'album a vraiment une très forte couleur hip-hop, ça m'avait fait penser à la phrase de KRS-One, MCs act like they don't know. Exact, aussi. Donc je voulais savoir s'il y avait un lien ou pas du tout. Il y a un petit clin d'œil, effectivement, c'est bien que t'es grillé, bien. On précise que l'album est écrit, mais aussi composé par Shaq Womack, MC et beatmaker sur l'album. C'est assez original, unique pour le signaler. Tous les beats sont de toi, il me semble. Oui, à part un seul, mais je vais pas dévoiler qui l'a fait. Je vais essayer de laisser les gens deviner qui l'a fait. D'accord. Donc, il y a une phrase qui m'a interpellé dans l'album. C'est tu dis, moi c'est Boog qui pas qu'a fait bagaille à moitié. Ça m'en fait, mon café est bien, sinon moi c'est Meladji. Pour traduire un peu rapidement, tu ne fais pas les choses à moitié et si ce n'est pas bien fait, tu préfères en laisser tomber. On sent, en écoutant l'album, qu'il y a beaucoup de soins apportés à la fois au texte, aux rimes, mais aussi sur les beats. Et je voulais savoir un peu, est-ce que c'est quand même ton premier projet qui est quand même, je trouve, musicalement abouti. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton sentiment là-dessus? Sur les instrus, les textes Ce soin apporté vraiment aux deux aspects de ton travail. Ben, c'est-à-dire que ben, c'est deux aspects du son sur lesquels je travaille depuis longtemps. C'est-à-dire que j'ai commencé dans le son par la composition, on va dire. J'essayais déjà de refaire ce que j'écoutais, ce que j'aimais à l'époque. J'étais encore adolescent, donc c'était voilà. Et après, au fur et à mesure, j'ai réussi à mettre ma griffe dedans, comme tous les producteurs de son font. Et vu que... Comment je suis arrivé dans le texte, et que bon, j'écrivais, j'avais des petites ratures qui traînaient de temps à autre un peu partout. Et c'est en faisant des projets avec des rappeurs, en fait, ils me disaient qu'ils n'arrivaient pas à poser sur mes instrus parce que ça ne ressemblait pas à un truc qu'ils avaient l'habitude d'entendre. Bon, je sais pas, tu vois. Et du coup, je me suis mis vraiment à leur montrer quel flow, bien, comment moi je pouvais poser dessus. Et c'est parti de là, quoi. Ça date d'il y a quelques années. Puis depuis, j'ai peaufiné le style. Vu que influencé par des artistes qui eux-mêmes sont un peu lyricistes et même dans les instrus qui ont leurs griffes, ça se retrouve sur mon projet à moi. Et comment ça se fait que, parce que c'est le premier. Le vrai premier, ouais. Ben, est-ce que tu as eu des projets avant? Depuis combien de temps tu travailles sur celui-là? Celui-là, ça fait 2-3 ans. Ouais, 2 ou 3 ans. J'ai pris le temps de le peaufiner, en fait. Et j'ai même pris un peu de retard dans la mesure où il y a du retard. Tu sais, les réalisations d'albums, ça prend déjà plus de temps que prévu, des fois. Donc, en tout, ouais, 3 ans, je vais dire. On va prendre une autre phrase extraite, toujours du même album, ou pas à quoi. Tu dis, si on les véglait moins, qu'il y en l'eau pour montrer moins, parce que y est moins, ça ouais en l'eau. Et je trouve qu'il y a beaucoup ce côté street dans l'album. Je voulais que tu nous parles un peu de morceaux comme ça, y est moins, ça ouais, ou les différences sont comme ça. Ben, j'ai voulu tout bêtement raconter ce que je voyais et que... pour dire là où j'en étais dans l'état d'esprit, c'est-à-dire que maintenant, si, ben voilà, il faut, les choses vont de plus en plus loin dans tous les domaines. Et que par rapport à ce qu'on a déjà vécu, même chez nous en Martinique, les choses sont un peu accélérées, qui fait que, voilà, je parle juste de la réalité, quoi, en fait. Et donc, on va écouter tout de suite, enfin, juste après cette question, un morceau Chemin Douette, qui parle un peu des pièges de la rue. Ce qu'on peut remarquer, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, chaque WOMAC, C-H-A-K, plus loin WOMAC, W-O-M-A-C-K, vous pouvez voir déjà deux titres clippés de cet album, En L'eau, qu'on a écouté juste avant, et Chemin Douette. On remarque que les clips sont très travaillés, mais il y a quand même un visuel très sombre. Pourquoi ce choix, visuellement, et aussi pourquoi ce titre-là à mettre en avant, qui d'ailleurs n'a pas de refrain, etc. D'ailleurs, on m'a fait la remarque aussi, pourquoi avoir clippé un clip sans refrain. En fait, le premier, c'était ma volonté de le sortir comme un hit, le En L'eau. Et le deuxième, c'est des amis réalisateurs de clips à moi qui ont tilté sur ce titre et qui voulaient absolument le clipper, donc j'ai accepté. Et puis tout bêtement, pourquoi ce côté sombre? C'est qu'encore une fois, j'essaie de relater les choses comme telles qu'elles sont, avec le plus de sincérité possible. Il y a des artistes qui sont plutôt, je l'accorde, il y a des artistes qui sont plutôt joyeux dans leur écriture, plutôt gays, positifs, on va dire. Moi, j'aime bien relater les choses telles qu'elles sont, sans forcément ni enjoliver, ni durcir le tableau non plus, mais telles qu'elles sont. Mais il est quand même dur, parce que quand tu dis « Zie moins à ou en l'eau », c'est du beau, « Mais c'est qu'à souffrir, mais c'est en la ria ». Non, mais moi, pas tout seul en cata, de toutes les façons, tu vois. Mais c'est clair que, venant de Martinique, ça aurait été un petit peu cliché de parler de plage, d'amour sous le soleil ou des choses comme ça. C'était, en plus, je commence ce titre en particulier, « Zie moins à ou » en disant « Ouais, comment je commence déjà ?» Si tu connais pas le pays, je vais te dresser le tableau, quoi. L'envers du décor à part la plage. On écoute tout de suite, non pas Zie moins à ouais, mais Chemin Douette de l'album Ou pas à quoi de chaque WOMAC. Konami. Vous savez ça, hein? Yo, déjà pouillonne, pas à check personne qui n'y voit le tibou l'homme. Ça qui comprend yon grand nom, seulement les yon en panne et puis pouté. Pas qu'à coûter ça qui tout pour doubler. Yo savent yon connaît tout, seulement les ouais yon match et tout. Et puis, toi, bah main des réels soldats, les gars qui pas ni bras croisés. Nous qu'à vivre en seule fois, seule loin, seule voix. Moi pas qu'à perdre en chemin, trop belle soit des entrées, pas qu'à faire arriver plus loin. Ouais, moi connais tout, qui casquette qui linette tout. Moi déjà pas au hôtel, la même ou vini check nous. Toujours même style, et puis tu vois le mafia là même. Des effets même, en cas ouais, masse la skawa. Toute parole, toute blague, juste pour ces bagouas. Moi savent tout son gaiti, avant il sortit en joloua. Quand t'as ces jaloux, quitte yo jaloux, yo pis coup à koyo, yo café et tout bagaïwa. Si c'est vent, nous bouge fait les boucs. Café trou en route là, tellement yo de bout là. Puis puisque tout moun an café wall soud, goûte à la tala, que teske goûte gun et puis goûte là. Tout ça pour dire, ou t'es l'esprit wood boy ou fou. C'est pas tout dat, toi qui les bouya. Sorti des bouya, pas goûter toutes les boucs là. Qui besoin fouté ou pli fond, qui zé goua. Génération besoin soud, qu'à mettre les bouches doubles. Sous les deux bouts de bon ou, oblige au guenille pour. Goumé mon pas doupé, t'es boulé. Mais les rouges t'es touré, le couillon qu'a tourné les cocoles qu'a coulé. Oh, mon babi j'en savent, puisque ça, moi j'en savent, c'est ça qui pisse, ça qui est official. Ou les jouets de Batman, mais ou fragile qu'on cristal, pas pour n'importe qui star, pas sur n'importe qui ça. Chemin Douette, le son est sombre, on a déjà un peu parlé de ça, le sample un peu inquiétant, tout comme les clips. On va parler un peu de, des couleurs musicales, parce que comme on a dit, entièrement, enfin presque, quasi entièrement composé par toi, beatmaker sur cet album ou pas quoi. J'ai relevé deux, on va dire deux influences majeures à l'écoute. Tu vas me dire si oui ou non. D'un côté, un côté, un aspect très américain, une couleur soul, etc. dans les samples, avec même un style très Wu-Tang pour selon moi. Des morceaux comme ou pas quoi. Ou Zemwezawe, des petites boucles un peu à la Wu-Tang, assez oppressantes. Et voir sur D-Style, etc., le côté plus soul, même, même Blaxploitation, toi, sur, le, sur ce titre-là. Et de l'autre, des prods très locales, avec des, la petite guitare de Anlo, le sample de message-là avec le tambour, et Banmoin Lanmain, avec vraiment le côté créole. Et puis des morceaux ballets parents où tu samples des anciens sons traditionnels, etc. Est-ce que c'est juste au niveau des influences, on va dire? Ben, on fait la musique qu'on aime, hein, de toutes les façons. Donc, je veux pas avoir l'étiquette de commercial ni quoi. Donc, faire de la musique qui a l'étiquette de hit ou de choses qui peuvent marcher, je préfère faire des choses qui me tiennent à cœur. Et vu que ben, dans les influences musicales que j'ai eues, il y avait effectivement la soul, il y avait effectivement... Ben, on est de la Caraïbe, tout bêtement. Dans la Caraïbe, on n'écoute pas que du zouk. C'est pas parce qu'on est de la Caraïbe qu'on écoute du zouk. Que ce zouk, il n'y a pas que du reggae, il n'y a pas que, il n'y a pas que du rap, même si c'est un album de rap. Donc, j'essaie de retranscrire ma personnalité dans tous ces aspects-là, quoi. Et bon, toujours, j'insiste là-dessus. Bon, c'est un premier album avec vraiment... On va dire presque une culture old school dans la réalisation. On a parlé de morceaux parfois courts, sans refrain, même s'il y a aussi des morceaux avec refrain, etc. Il y a vraiment tous ces aspects-là. Est-ce que tu revendiques un côté old school et en même temps, c'est un premier album, tu n'as pas non plus 40 ans, d'où ça donne un peu l'impression d'un projet sorti de nulle part? C'est un peu aussi pour ça, c'est aussi d'où sort l'idée du titre, hein. Il sort de nulle part, mais il va quand même t'étonner ou pas quoi. Donc, c'est un peu ça, quoi. Je vais un peu surprendre tout le monde. Et puis voilà, si ça marche, ça marche. Ça marche pas, au moins j'ai fait ce que j'aimais. Et puis pas de regrets, quoi. Tu revendiques beaucoup dans les lyrics le hip-hop créole et même hip-hop martiniquais. Quel a été ton parcours dans le hip-hop jusqu'à cet album? Ben, beaucoup. Ben, j'ai commencé, comme je disais tout à l'heure, par la composition de beats. Qui fait que ben, j'ai connecté pas mal d'artistes au fur et à mesure pour des beats, pour des mixtapes, un peu à droite, à gauche, dans l'underground, qui fait que c'est ce projet-là qui est le vrai projet, le premier vrai projet, on va dire, médiatisé, entre guillemets. Après les autres, j'ai eu l'occasion de connecter des artistes guadeloupéens, Malkema, qui a encore les Acno, Acno Possi, Dos Bertrand, pas mal de gens. Martinique aussi, il y avait des artistes qu'on ne connaît pas forcément, mais qui pour moi avaient leur place, quoi. Donc du coup, on n'a pas dit, mais tu rappes depuis combien de temps? On est en 2013, je sais pas, ça doit faire bien 10 ans au moins. 10 ans, et... Oula, excusez-moi, je me perds dans mes questions. Oui, parce que dans l'album, il y a beaucoup de références, je trouvais justement old school. Ouais. Il y a une référence à Discipline de Neg Marco Polo, une référence à Docteur Charlie, une référence à Siapoc. Tu es resté bloqué il y a 10 ans ou... Ou ben, la nostalgie. En plus, dernièrement, j'abordais la question avec un pote à moi et je lui disais que ben, c'est comme nous, notre génération, trouvait déjà que celle d'avant, celle de nos parents, était, ne comprenait pas notre musique et eux étaient restés bloqués à une certaine époque. Et les années allant, l'âge allant aussi, je me rends compte que la musique, même si je me tiens informé de ce qui peut sortir, de ce qui est frais, moi, ce qui me fait vibrer, ça a déjà quelques années, ouais, j'avoue. Donc tu écoutes pas du tout le hip-hop d'aujourd'hui, si, ou même la musique de... Si, mais je pense en plus qu'il y aura plein d'auditeurs qui seront d'accord avec moi, que c'est la musique d'aujourd'hui fait moins vibrer que celle d'avant. Il y a moins de classiques, il y a moins de recherches dans le texte déjà, dans la musique en elle-même. Je généralise pas, il y en a forcément. Ça, c'est un discours de vieux, ça. Bon, blague moins qu'il a, mais on va rester sur le sujet justement des parents. Il y a un morceau qui m'a bien frappé qui s'appelle « Bah les parents ». On va écouter ça, c'est toujours sur l'album « Ou pas à quoi » et puis on va en parler juste après. C'est pas ça, personne pas qu'à dire assez. L'éducation, chaque nom, personne peut qu'y remplacer. Moi, ça, moi, pas mâché, en chimé, en zone tracé. Mais pour ça, là, pour aller, moi, caché, chez côté, moi, passé, gardé. Bah, ben là, ça, bon, moi, pour pas, pour pas, baby, pas, mais l'on reconnaît en selle, mais t'es pis pas, ni d'autres, pas suivre ça qui car, les autres, quitter au blagé. Quitter au palais, au toujours, ni parole à la j'ai. Tout ça, zot, t'es gardé, mais actuellement, qu'à sa vie, mais pour dire la vérité, mon bouger sans la vie, mais quasiment, toutes les mains, pité en les ciments, ma gâte, comme, moi, zot, t'es dit, j'me oublie. Le dimanche, pas ma manger, gâteau, passe-moi qu'à songer. Les mamies, t'es café, ben nous, les nous t'es monté, s'arrêter, pas souper, pas effacer, s'aggraver. Et puis là, j'ai l'argent qu'à compter ou qu'à changer sans même songer. Je suis des ouais, ici, pourtant je suis ici. Moi qui t'ai payé, moi. J'aime mon grafon. La vie a toujours un tchèque, moi. Je suis des ouais, ici, pourtant je suis ici. Moi qui t'ai payé, moi. J'aime mon grafon. C'est la main. Le petit, c'est chè, de ou mon consigné. M'en passe à dormir, passe, m'en paix dans son gémé. Alors, m'en qu'à jouer en tisson, réconforter, m'en transporter, m'en faire m'en songer, m'en y est payé à tes loin même. Si parti, paix, sa vie, ou connaître la vie, en est comme un qu'elle est viré pour y'a terré, Kylie. Travail qui panne, même l'or, ou rive Paris. M'en joint des mouns qui ni toi, t'as fou pas tomber en la rue. C'est un blanc, mon arabe, contre taliban, africain, gitan, ou anti-en ou anti-dan. Rété longtemps, c'est piège, et m'en palais pour y attendre. Un jour manqué viré, espérer sans s'attendre. Je suis de loin ici, pourtant je suis ici. Moi qui t'ai payé, moi. J'ai mon grafon. La vie a toujours un tchèque, moi. Je suis de loin ici, pourtant je suis ici. Moi qui t'ai payé, moi. J'ai mon grafon. C'est la main. C'est la main qui est virée, passe la main élevée. N'importe côté moral, moi savent ça peut qu'est tiré. Pas mander moi plus, passe moi par les autres pleurer. M'en lasse, mais après la pluie, soleil toujours clairé. Hein? Si seulement t'es ni d'achine qu'on paye, dîner qu'on paye, moi s'agisse, prends l'odeille. Mon tech est fait, descend et puis un j'y comme des. Y'a 6 bords, pieds bois pendant tout risque à point soleil. Si y'a. Si soleil là quand ouais misère, mon quoi pas t'es qui fait meilleur, même si t'es ni plaisir, ça pas qu'à faire, eh. Force moi c'est pays moi, et puis nous pas la passe nous les, mais parce que nous besoin. Je suis de loin ici, pourtant je suis ici. Moi qui t'ai payé, moi. J'ai mon grafon. Je suis de loin ici. On joue moi qui est viré, espérer, zot ça attendre. Bah les parents, pour les parents, en français. D'où vient ce morceau? On entend des samples de Malavoie, des choses comme ça. C'est la, C'est la nostalgie. Ben pour c'est l'hommage. Pour le coup, c'est un petit titre nostalgique parce que tous autant qu'on est antillais de France, des fois, pour ceux qui sont nés ici, ils sont nés ici. Pour ceux qui se sont exilés pour travailler, c'est un petit peu cette histoire-là. Hein, ça fait des années qu'on est ici et tout pour essayer d'améliorer le quotidien et ça n'empêche pas qu'on pense au pays, quoi. Donc c'est un petit peu. Donc c'est une thématique bien présente dans l'album L'Exil, puisqu'il y a ce morceau donc Bas les parents. Un titre très réussi et également un morceau comme Grandi, dans lequel tu dis moins la qu'à débattre et puis l'en misait moins. Je voulais revenir. On va traduire rapidement pour ceux qui ne comprennent pas. Moins la qu'à débattre et puis l'en misait moins. Donc en français, ça signifie, monsieur Chac En français, ça signifie que ça vient d'une petite parole populaire qu'on a l'habitude de dire aux Antilles. En gros, on voit notre pain quotidien, on voit notre petit pain noir quotidien, on voit notre misère quotidienne, quoi. Donc, Et comme le titre commence par mon frère, justement, un frère qui me demande de mes nouvelles, parce que ça fait longtemps qu'il ne m'a pas vu, moi, exilé sur la France, je raconte le quotidien. Comme tu dis, c'est une expression populaire, parce que d'un côté, l'en misère et la misère, ce n'est pas forcément à prendre au premier degré. C'est une expression pour dire, comme partout, comme tu pourrais manger ton pain noir aux Antilles. Mais on peut se poser la question, du retour pour la personne, après c'est ta vie privée, mais plutôt pour le MC. Comment retour, ça se passe? Retour au pays natal. Exactement. C'est dans les projets, franchement, je vais même pas cacher que j'ai un petit côté idéaliste où j'espère que les choses s'améliorent aux Antilles, que ce soit Guadeloupe, Martinique ou ailleurs, mais en particulier aux Antilles puisque je suis là-bas et que le quotidien devienne plus facile pour les gens, qu'il y ait plus de travail, qu'on n'y voit pas que la plage, quoi, qu'il y ait autre chose que ça. Notre point, c'est cet album Ou pas à quoi, donc qui est quand même presque à 100% en créole, à part peut-être un couplet, il me semble, un couplet en français. Je voulais savoir comment tu vas défendre cet album, présenter cet album. J'ai déjà dit qu'il y a deux clips que les gens peuvent déjà aller voir sur YouTube, En l'eau et Chimadouette. Comment ça se passe pour la scène, pour acheter l'album, se le procurer? Se le procurer, il n'y a rien de plus simple sur Deezer, iTunes et toutes les plateformes de téléchargement légales. En galette aussi, c'est disponible en commande via mon éditeur digital, on va dire, c'est des baby. Et sinon, pour tout ce qui est promotion, je suis logé à la même enseigne que les autres, c'est-à-dire que déjà il y a pas beaucoup de manifestations en créole déjà sur Paris puisqu'on est sur Paris et encore moins de hip-hop créole, donc c'est quelque chose d'assez rare, donc qu'on défend comme on peut. Après là où je peux rencontrer une difficulté, c'est même pas sur le créole en lui-même, c'est plutôt sur la couleur de l'album, comme tu disais. Puisque les gens sont, je ne sais pas si c'est une volonté des promotionneurs ou je ne sais pas, mais dès que c'est en créole, on a tendance à voir Zouk, à voir Dancehall, à voir un peu musique du soleil. Donc ils ne savent pas comment situer le projet. Voilà, quoi. C'est un petit peu ça. Mais le public, on va dire, créolophone ou non d'ailleurs, comment celui auquel tu as déjà été contacté, comment il accueille cet album? Eh bien, imagine-toi que même les gens qui ne comprennent pas le créole ont apprécié la vibe, notamment dans les instrus. Dans le flow aussi. Après, on me demande souvent, du coup, de par ça, on me demande de traduire mes textes, en fait. D'accord. Parce que ça les intéresse. Ils accrochent à la vibe et on me demande de le traduire. Donc, du coup, là, je te cache pas que le MC que je suis, des fois, réfléchit à la langue utilisée aussi, des fois. Peut-être passer un peu plus de français. Peut-être ça, un peu de français, des fois un peu de créole, d'anglais, pardon. On verra. Mais est-ce que tu as l'impression que les non-créolophones sont plus réceptifs que ceux qui, chez nous, on va dire, sont peut-être habitués, pour eux, c'est le zouk, c'est le dancehall. Ce qui m'a marqué avec les non-créolophones, déjà, ça m'a surpris que des non-créolophones adhèrent, pas tout le monde, évidemment, mais adhèrent à cette vibe un peu personnelle, je veux dire. Et donc, forcément, ça fait plaisir, l'engouement des gens, quand ils te font comprendre qu'ils aiment bien tel titre ou tel titre, alors traduis-le-moi. Et donc, du coup, oui... Tu as posé sur une compilation de hip-hop créole qui s'appelle Dawick. Une compilation en 4 volumes très ambitieuse qui réunit énormément d'artistes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience, de ton titre, puisque tu es sur le premier volume que vous pouvez déjà aller checker sur Deezer et compagnie. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette connexion titre. Ce titre, eh ben, monsieur Wilson, pour ne pas le citer, du Yardie Squad, m'a contacté parce qu'il avait entendu 2-3 sons de moi, peut-être quelque part. Et il a adhéré, et ça lui a plu. De là, il m'a contacté, il m'a tenu au courant de son projet Dawick. Et pourquoi sur le projet, le premier volume, c'est que, bon, après, c'est un avis subjectif, mais lui trouve que j'ai un flou qui vole un peu ah, aérien. Oui, parce qu'en fait, la compilation tourne autour des 4 éléments, des 4 etc. éléments. Et le premier volume, c'est l'air. C'était l'air, oui, exactement. Donc, il m'a invité sur ce volume-là, et de là, j'ai écrit ce qui me venait sur le thème de l'air et du flou aérien, donc voilà. Le morceau s'appelle Soucoupe. Ok, il y a du concept. On va rester dans l'aspect hip-hop. On va écouter un autre extrait de l'album. Il s'appelle Matricule. Ah, yeah. Ouais. Yes. Ouais. Ça. Yes. Oh. Check. Ma main peint en matricule, mais chaque homac, j'ai béchou, doit être original. Wow, y'a d'origine madrina. Ou peut contrôler, appellation à sioulé. Mali, j'ai pas les barres, flou, à 55 degrés, y'a. Faire mal, qu'on fasse, penser, reste, bancaille, moi, en citron, wom, si que bas soleil, ça qui est calme. Flou, main, comme un tu as, bacon, faut couper d'aller. Papa, bien, papa, allez, sous ça, couper qui aller. Si on t'es pas censé, un stack à sentir, c'est dit. Un petit brin, bon, malé, un petit brin, big, aussi. Mais pas pour main, pour maintenir, pour pièce amiralty. C'est rap qui n'est pas habilité, testé. C'est Martinique, il prend plein ma main qu'on sous clove dans Martelly. Time on street, pas bling ou pas ni Marjorie. Ma pas qu'un riz ou péqué, mais ouais carré. Sous c'est un Caraïbe, c'est Africain qui m'a tété. Moi, micro ça baille la yé ou pas quoi. Et pourtant, ma pas qu'à blager. Lyrique, y'a la jaja, la conti, c'est coach, ouais. DJ la j'ai ben là, massif pas qu'à jouer. Ouais, pas ni temps pour parler. Ou bagaille inutile, ma qu'à quitter les bois, baba bien les réels, pévili. Des couches en guenille pour tailler. Massif, l'eau, bonne, t'es femme, c'est puis même ma clate baillé, nègre en pression. Lyrique à l'agression, c'est pas Chris qui t'aime. Ma clame est à la cabane en impression. Maîtrisé en martial, genre de nègre à battre salope. Pour héritage, les ancêtres qui te battent ou pas en calotte. Nous pas ni d'autres, la jazz c'est ça qui puissante. Si créole c'est l'emmène, moi-même en sens qu'on note. Si bon, dit bon, on peut même dire pas d'autres. En travaillant, laisse ça non-stop, même joue pas de cote. Concilia, bon, fuck, m'aurait été ma stock. Qui soleil, qui l'a plus solide qu'on rock, qu'on dit en guerre. Chakomak, le titre Matricule, extrait de son album Ou pas quoi. On accueille au même moment dans les studios Exos et Doopsis du Kako Labo. On va leur poser quelques questions tout à l'heure, mais on reste donc sur ce morceau Matricule Chakomak, où on peut dire que tu t'es lâché, quoi. Ouais. Là, c'est le morceau pur rap, on va dire. C'est comme ça que je l'ai ressenti, avec ouais. Exercice de style ouais, sur l'album. De quoi tu parles? Parce que tu abordes vraiment plein de sujets. D'où il sort ce morceau? Bien, c'est d'où il sort, c'est que c'est un exercice de style. Tout bête. Moi, je me suis lâché, comme t'as tout dit, franchement. J'ai pris mon pied. Il n'y a même pas de vraiment de couplet ni de refrain. C'est le beat est parti, je suis parti avec, et puis c'est tout. Ben, c'est un morceau que j'ai trouvé très symptomatique de ton l'approche de ton son. Donc, comme je disais, avec une couleur très hip-hop, voire un peu old school. Dans les thématiques, on voit que sur l'album, tu parles à la fois de l'avenir du pays, de la Martinique, la communauté noire. J'ai vu quelques lyrics anti-slackness, la défense du hip-hop, de la tradition. En même temps, c'est un premier album, donc on va dire qu'on peut considérer d'un nouvel artiste. Comment c'est reçu par la nouvelle génération du public qui est certainement beaucoup moins attaché à ce genre de thématique? Est-ce que tu n'es pas trop décalé par rapport aux sons, aux ambiances du moment? Sûrement, mais j'essaie pas de. Mon but n'est pas de suivre la mode, quoi. Donc, je fais ce que j'aime encore une fois. Et puis. Puis même, je vais même dire que j'aime bien être à contre-courant, quoi. Donc, ça me fait un peu plaisir. Très bien. Et d'ailleurs, on a aussi parlé du côté un peu street. Je voulais savoir, est-ce que, notamment à travers les clips, etc., et est-ce que par ce biais-là, tu leur parles peut-être plus? Oui, bon, après, c'est pas parce qu'on a. une couleur old school qu'on se tient pas informé de nouvelles, des nouvelles technologies, de tout ce qui est plus ou moins frais, entre guillemets. Qui fait que vu que la nouvelle génération, comme tu l'appelles, est friande de tout ce qui est visuel et vidéo et des choses comme ça, et puis ça passe par une promotion d'artiste évidemment, donc voilà, faut le faire. Donc on a dit, bon, j'ai beaucoup employé l'expression old school, mais je tiens à signaler, comme on l'a dit aussi, hein, que c'est avant tout une couleur personnelle, donc pas forcément datée. Il y a quand même différentes approches dans l'album. Pour faire la transition avec le Kakolabo, on va écouter un titre qui a justement une couleur vraiment locale que j'ai beaucoup apprécié. D'ailleurs, j'ai pas encore indiqué le numéro. C'est le titre s'appelle Vision sur l'album de Shaq Womack qui nous permettra de faire la transition avec le Kakolabo. Et si on est calé, on balance ça tout de suite. Save ça. Les vibes au matin, on m'a senti qu'on s'y m'a changé. Les mains ouvertes, c'est mais un bagaille déclenché. Ma ouais, ou l'engagé, la jambe ou pour manger. Un seul bagaille m'a songé, c'est rien pas qu'à changer. Je l'ai stoppé méchanceté, mes violences pas qu'à mentir. Bon et mauvais mélangé, t'es les mêmes même pas à trancher. Ça nous manque évident, mes paroles là qu'à mentir. Entre créole et léger, soit c'est langue étrangère. Pas des plus jeunes, nous c'est dit, la vie à congé. Ni bon papa en congé, toute femme pas ni congé. Nous bousons quoi en bondier, pas les religions danger. Oui, c'est ça, et puis l'argent ramène la jè. Crie mes soldats, si la créole c'est la jè. M'en savent, moi ni bon frère, même ça même la bataille. M'en c'est beau, y pas qu'à faire bagaille à matché. Ça m'en fait, m'en qu'à faire bien, sinon m'en si m'en la jè. Actuellement, mon gamin un patch, oui, mais pas les sangs, une fâche, victime, puis lyrique, ça des centimes, pas sous sa main, c'est pépard. Lyrique, c'est fesse, bitch, mais mon con, mon copolo, on y a un chat et discipline. Vous savez ça, ouais. Ouais, la paix, ça pour plus tard, j'ai beau faire mon rap conscient et moi, on ira nulle part. J'oublie mes coups d'histoire quand je me vois dans le miroir. C'est le réveil de l'homme noir, le héros meurt par la mémoire. Alors, impossible de pas croire, impossible de pas voir. Le savant est une arme, je suis armé comme Docteur Charlie. Et comme la souris se tait lorsque le charrie à Paris, j'ai le sourire figé comme un smiley. Et si Colomb avait eu une avarie, et si les dictateurs d'Afrique n'étaient pas pris d'avarice, ouais, ça m'arrive d'imaginer pire puisque meilleur est un rêve. D'Afrique à la vie du haut, les entiers sont en grève. Ne cherche pas, tous les gouttes là sont perdus. Et moi, je ne suis personne. Argument mode pèse lourd, le bruit court. Tu fais du street lourd, c'est comme pour son big tune. Avec un clip qui court sur YouTube comme un manicou. À l'écran, des voitures avec des big roues. Beaucoup de tasses. Vision, vision de Shaq Womack. Extrait de l'album ou pas quoi. Allez checker ça, allez voir les clips. Renseignez-vous. Très bon album de Shaq Womack. Shaq Womack, est-ce que. Est-ce que des artistes comme Exos ont pu faire partie de tes influences? Le gars est devant toi, déjà je peux pas mentir. Non, mais très sincèrement, bien sûr. Exos quoi, mettre Kakula, Dopsis en face de moi. Non, la fine équipe, je m'incline. Bonjour messieurs. Hello tout le monde. Exos, Dopsis dans les locaux, finalement arrivé. Oui. On va écouter un petit son très rapide, peut-être même 30 secondes, histoire de se mettre dans le bain. Ouais. Manger mon zénium, mais les calibres ont fait chasse, ni instrumental à freedom. Pour libérer nos mes femmes, militaires pour Zion et Tidom. Nous comprenons que tes paroles, dragon qui a soufflé qu'on flamme. Nous lever un bel chalet à soleil. A pas pour ça, nous paraît pour un sommeil, même si chalet là qu'à peser. Allez, on fait ma tête, nous écrit les rives, nous sortis. Chalet, qu'à sortir, on bouge à MC. Pour ma table, bon matin, oui, yo, toujours un gros MC, oui, yo. Sachant nous qu'à où les yo, qu'à faire, yo, m'en est hack, yo. Ça qui va qu'on les mène, yo, pour moi, béni, yo, sa vie, yo, ma c'est, yo, fais, yo, lève, yo, mène, yo. Maman, on est détient, maman, Bougou va qu'attendre, Bugo va bougo, moi dis banane. Plus qui vit sans bon vibration, adon, on récession. Exos, Dopsis, à l'instant, c'était un extrait de Karukera Crew, comme tu me disais, un son qui a maintenant 13 ans. 13 ans. Les messieurs là depuis long time. Ça fait vieux, hein. Ça nous rajeunit pas. Ça fait classique. Oui, ça fait classique. Ça fait classique. Messieurs, que faites-vous parmi nous à Paris, messieurs? On monte, on descend, on marche. On monte des escaliers. Parle-nous dans le micro, parce que sinon, il y a peut-être nous. On fait du sport. On fait du sport, on court à fond dans les transports. On monte des escaliers, on descend des escaliers, on monte des escaliers, on descend des escaliers. Et bon, mais bon, on fait pas tout ça pour rien, parce qu'en fait, on est en mission, deux missions, une résidence qui s'est déjà effectuée vers Bordeaux, avec une super nouvelle artiste qui s'appelle Jasmine. Et puis, la deuxième partie de notre séjour est consacrée à une répète, à plusieurs répètes tous les jours, pour aller faire un show de Kakolabo avec un percussionniste qui s'appelle Kem et la rappeuse Flo qui est à Miami. Et nous tous, on va descendre à Porto Rico. Alors accrochez-vous, on est à Paris pour faire des répètes pour aller jouer un spectacle à Porto Rico. On précise donc Jasmine, Jazzy J, qu'on a reçu ici même pour son projet, pour le financement de son EP. Ah yes. Et pour ceux qui ont entendu l'émission, donc très content, mais elle a atteint donc, la somme requise. Et c'est, comme je vous avais dit, c'est bon. C'est ça qui nous a en partie permis de la rejoindre. Voilà, donc merci. Si des auditeurs. Merci aux supporters. Voilà, en tout cas, d'une manière générale. On voit que le projet est en mouvement. Et maintenant, on est à Porto Rico. Donc ça veut dire que le caco est-il international? Pas encore vraiment, mais on essaie de s'exporter. A priori, le concept de caco même est assez universel. Donc j'ai envie de dire que c'est déjà international. Par essence, mais nous, Dupsis et moi, se transporter ailleurs, ça reste une mission. Et là, en fait, Porto Rico, c'est pas une mission engendrée par nous. C'est le conseil régional de Guadeloupe qui a donné des prix à des jeunes et des anciens. Et on a reçu un prix qui était participer à la fête de la musique pour Porto Rico. Donc on en a profité. Voilà. On n'aura pas le temps de retracer tout le parcours de ces messieurs, mais on va écouter un petit extrait. Si. Encore une fois, si on est calé, ça va être Menati. Yeah, lâchez chez vous. Quoi de l'ami? Bon Dieu, crée la nati. Porte dreadlocks nati. Fouille belle créati. Fais la tête en béli. Mes graines poubelles vont pousser, laissez les hommes glousser. Comprenne que yo c'est, mais yo pas. Là où quitte matérialiste prend au cas. Oublier, voter à la vie qui va pour notre côté qui attend la nati. Émerveille à la vie, c'est contempler. Frère, rivière, la mer. Laissez la mer implanter. Construit abri pour Zozio, mais ça chanter. Bon temps, les temps longtemps, ténébilis, campagne qui béton. Bon sang, synthèse de tout d'accord et puis moi, mais combien? Mes consciences, actions responsables, pas comprendre les quels soldats qui a dit ça. Stand j'ai le temps pour patrie, aïe. Guadeloupe, conforme, Guadeloupe, foot, Guadeloupe. Si quoi, crève, bon forme haïtien, on veut l'entrer Guadeloupéen. Tant moi, tapé pour la TNT. Menati, Star J Exhaust, featuring Tismé. La version que vous avez entendue n'est pas celle de l'album Wash Goumé Vieneg, mais celle de l'album 1998 de Star J, la version originale Rof. On n'aura pas le temps d'expliquer d'où tout ça vient, mais en tout cas, on va surtout dire que l'album Wash Goumé Vieneg est sorti en réédition il n'y a même pas un mois, il me semble. Le 27 mai. Voilà, pour les 10 ans de l'album Wash Goumé Vieneg. On a entendu en tout début d'émission le morceau Goumé Vieneg, oui, l'inédit de l'album. Donc allez chercher ça sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Il s'agit d'un classique. On voulait aussi écouter un petit morceau de Star J Exhaust, 100% Vibes, de l'album 1998 de Star J, que vous pouvez également récupérer sur le Bandcamp de Star J gratuitement. Mm-hmm. Un album qui a maintenant 15 ans, on n'aura pas le temps de l'écouter, mais par contre, Exhaust, yep. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton évolution en tant que beatmaker, puisque sur l'album de Star J, ouais, de 98, on n'entendait pas forcément de samples de gros cas, etc. Le son était très new-yorkais. Ouais. 15 ans plus tard, on est là avec le Kako Labo. Ouais. Voilà, comment ça s'est passé en deux mots? C'est le hip-hop qui m'a amené à Kako, dans la fusion de la tradition et de la modernité, parce que le hip-hop sample. Et quand tu samples les disques de tes parents, ça donne ça un peu, quoi. Ça donne cet univers. Et en 1998, on était à Paris, quand on a fait l'album de Star J, à Aubervilliers plus précisément. Et donc, si tu veux, je dirais pas qu'on n'était pas conscient de notre identité, des trucs comme ça, mais on était plus dans une dynamique. On essaie de faire du bon hip-hop déjà, avec les machines qu'on a. Tu sais qu'aux Antilles, on n'a pas beaucoup de fournisseurs techniques. Donc, quand on arrive en France, Pigalle, Backstage, les trucs, on se donne à cœur joie. À cette époque, on avait peu de moyens, un Atari, un Cubase et un Ensoniq. et c'était suffisant pour faire des beats, quoi. Donc ça fait à case, façon home studio. Et aujourd'hui, la dynamique Kako, elle vient vraiment dans l'esprit hip-hop de faire avec ce que tu as. Et ce qui était un problème avant pour les gens en France ou ailleurs, c'est-à-dire que c'est devenu une force, ce qui était un problème. La couleur créole, les rythmiques syncopées, le soleil, tout ça, ça dérangeait un peu les gens. Ça allait pas trop avec New York, le froid, le bitume. Et un jour, c'est devenu pas un complexe d'infériorité ni une faiblesse, mais une force. On va dire qu'on a travaillé là où ça fait mal. Et du coup, en 2003, je suis arrivé sur cette idée qu'il y a une nouvelle musique possible, une nouvelle fusion possible qui sort même du hip-hop, parce que le dancehall a aussi beaucoup d'aspects de hip-hop, des samples, des beats, de l'électronique, tout ça. Et donc, Kako, c'était pour moi une étiquette que je me créais ou que je nous créais, parce que je ne l'ai pas pensé pour moi spécialement, pour faire cette nouvelle fusion, ce mélange qui nous ressemble. Donc, c'est tout à fait hip-hop, hein. Exactement, c'est la démarche. Très réussi. Après, ça reste un challenge, hein, parce que comme tu as demandé pour chaque tout à l'heure, on est dans un monde qui marche sur la tendance, sur ce qui est à la mode, etc. Là, c'est l'électro. Demain, ce sera, comme disait quelqu'un, le boléro. Aux Antilles, là, c'était le jump-pop qui s'est transformé en bouillon. Les Guadeloupéens l'ont tourné en bouillon hardcore, alors que ça vient de Dominique. Donc, les choses ne sont pas figées. Nous, on ne fait que recycler, on n'invente rien. Donc, moi, j'essaie de faire des trucs qui doivent rester dans le temps. Je n'essaie pas de spécialement suivre la tendance, même si un soft bar, un beat commercial, un beat dancehall, un beat électro, un beat rock'n'roll. Mais il faut faire ce que tu aimes, sinon ça n'en vaut pas la peine. Comme on a dit, donc, tu as parlé du dancehall, tu as parlé un peu d'autres musiques. Pour ceux qui ont vu un peu les clips passer sur le net, puisqu'il n'y a pas d'album Kako Labo ou d'album d'Exos. Pas encore, non. Par contre, on a déjà vu beaucoup de clips, même pas forcément produits que par toi, parce qu'il y a aussi Phonie, Kakophonie. Mm-hmm. On a vu les beats de Mimi Nelzy, Génie, Tismé, Star J, plein de clips qui sont arrivés. Skirt Squad. Tout ça donne. Au niveau du visuel, bah, j'ai noté comme une espèce d'attaque Kako, tu vois, sur le visuellement. Après, je sais pas si tout le monde l'a ressenti. C'est parce qu'il y a d'autres acteurs Kako qui sont pas que de la musique. On travaille depuis des années avec le même réalisateur, pratiquement, c'est Jean-Luc Stanislas. Et Missier, il a fait les premiers trucs de hip-hop, La Horde Noire, jusqu'à Fork Lee, jusqu'à Dominique Coco, les trucs de Karaoke Rakrou. Donc, ça fait longtemps qu'il est dans notre univers et nous, on est dans le sien. C'est un zombie, quoi, d'abord. Je voulais savoir, tu as composé sur l'album d'Admiralty, tu as composé sur des albums d'artistes, on va dire, plus en vue que les artistes hip-hop créole, Tiwoni, Dominique Coco, etc. Et aujourd'hui, tu es avec le Kako Labo, donc plus dans l'expérimentation. Je voulais savoir qu'est-ce qui a fait que tu n'es pas un beatmaker, un compositeur qui va essayer de placer des prods à droite, à gauche. On pourrait faire une émission là-dessus. Est-ce que c'est un choix ou est-ce que ça s'est passé comme ça? Ça s'est passé comme ça, je crois, dans l'histoire humaine. Après, ça, dans ma propre tête, après, je fais des choix aussi de laisser tomber des trucs. Laisse ça tomber plutôt qu'être la tête de mule qui veut absolument fourrer ses œufs dans les paniers des autres. Donc moi, j'aime être invité, j'aime être reçu, qu'on me donne à boire, qu'on a envie de faire des trucs avec moi. Et j'aime pas être en train de demander aux gens, ouais, vas-y, s'il te plaît, chope-moi un beat, ouais, s'il te plaît. Donc tu fais tes affaires, quoi. Voilà, donc si les gens, ils me checkent pas, moi, je les check pas. Voilà. On a parlé de la réédition d'un album. J'ai l'impression que c'est la première fois de voir la réédition d'un album classique hip-hop créole. En tout cas, d'où est venue l'idée, le projet? Ça va un peu dans le sens de tout ce qu'on raconte, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de manques au pays, dans la communauté en général, où les choses passent et elles ne sont pas assez. On n'a pas le temps de faire derrière, de revenir en arrière, de racheter des anciens disques. On n'a pas de distribution comme les majeures compagnies, tout ça. Qui fait qu'un album qui est sorti en 2002, dans mes probabilités, il y a un quart de chez moi qui connaît le disque. Quoi. Ils connaissent que le clip BF Man. Donc, au bout d'un moment, ça te saoule. Et tu te dis, ouais, mais il y a un disque, il y a un album. Quoi. Il est sorti physiquement, mais en fait, il n'existait pas sur le web. Donc, on est dans un monde où on télécharge, on pirate ou on achète sur le web. Donc, il n'existait pas sur le web. Et après, physiquement, on n'a plus d'exemplaires. C'est-à-dire, même s'il y a 10 personnes qui nous demandent des exemplaires de 2002, on n'en a plus. Donc, c'est venu tout naturellement de refaire ce disque, de le represser d'abord pour un besoin de disponibilité. Et après ça, ouais, après artistiquement, pas des gens de Boug qui vont te le donner tout rassis, quoi. Donc on a fait une nouvelle pochette, on a cherché à faire un bonus inédit qui date pas de 2002 mais de 2012, quoi. Mm-hmm. Et c'est comme ça que le truc est venu. Normalement, ça aurait pu être là depuis l'année dernière. Voilà. Et on va dire, parce que comme il y a aussi beaucoup, une mode, on va dire, beaucoup des anciens artistes de sortir des best-of, etc. Oui. Du réchauffé, c'est on ça. Précise que c'est pas parce que les gars n'ont plus rien à proposer, non. Parce que voilà, mon caco labo, je trouvais ça intéressant, d'un côté le regard sur ce qu'on a fait, qu'on ne se part pas de nulle part, mais en même temps vous êtes dans l'expérimentation. Oui, dans un truc du futur quand même. Et j'ai moi-même assisté plusieurs fois, donc quand vous étiez sur Paris au caco labo, bon, c'est comme tu dis, futuriste, etc. Cet honneur, ce plaisir. Merci. Et non, mais très sérieusement, et je voulais savoir, mais voilà comment. Alors que j'ai l'impression que tout le monde n'est pas forcément prêt pour ce qui a déjà été fait en termes de hip-hop créole. Ouais. Quelle idée d'aller encore plus loin, de pousser les trucs. Ben justement, l'expérimentation, comme toutes les expériences scientifiques, elles ont une finalité. Normalement, tu expérimentes pour arriver à un résultat, et quand tu arrives à un résultat, ben tu le fais, tu le reproduis. Donc là, Doopsy, c'est moi. On organise un bœuf régulièrement en Guadeloupe pour expérimenter le caco labo avec des musiciens conventionnels. Mais quand on va à Porto Rico, tout ça, on est comme tous les artistes, tous les orchestres. On a une playlist, des morceaux précis qui durent un timing. On est supposé vendre le même show à chaque organisateur. Donc, c'est des choses qui prennent du temps. Parce que nous, on a commencé à faire ça il y a 6 ans. Et là, c'est maintenant que lui et moi, on a l'impression que notre vaisseau, eh ben, il peut aller dans toutes les galaxies. Tu vois, donc les choses ne sont pas visibles, mais en arrière-cours, elles évoluent. Et si tu veux, ce qui est bien entre la liaison entre le passé et le futur, c'est que l'expérimentation d'aujourd'hui de Kako et du Kako Labo qui fait de la Kako musique, c'est aussi de pouvoir faire un show électronique. C'est-à-dire pas forcément de musique Kako. On peut faire un show électronique de pure reggae dancehall ou de hip-hop. Mais le hip-hop ou le dancehall ont besoin d'un beat. Et moi, ça m'a toujours fait chier d'avoir des lives qui ne ressemblent pas aux disques que j'ai achetés. Voilà. Et que je ne ressens pas le boom de ma sub-bass et tous ces trucs. Donc le but de mettre la machine avec la guitare, le tambour, c'est aussi de rallier les deux intergénérationnellement, de mettre le passé, le futur... en osmose, quoi, et de pas rester non plus dans un truc de l'an 3000 et non plus dans un truc de 1900, je sais pas. Voilà. On pourrait parler de ça très très longtemps, mais l'émission arrive à sa fin. Oui. Doopsy, on t'aura pas beaucoup entendu, mais tu es là. C'est souvent comme ça. Mais le gars est là. On va terminer l'émission. Est-ce qu'on a le temps d'écouter un dernier morceau, un petit bout? Si tu peux nous caler le son de Mimi Nelzi, La vie qui a continué, parce que de ce que j'ai vu sortir, c'était on va dire une dernière sortie qui a la couleur du Caco Labo et sur l'album Creole Seasoning, de Mimi Nelzi, on balance ça, La vie qui a continué. Yeah. De Mimi Nelzi, La vie qui a continué. C'était Con Lambi, spécial hip-hop créole, 16h-17h. La spéciale hip-hop créole, c'est tous les dimanches du mois de juin. On remercie nos invités, Chak Womack, l'album Ou pas à quoi, le Caco Labo, Exos Doopsis, bientôt à la fête de la musique à Puerto Rico avec Flo. Et on précise que la semaine prochaine, on va recevoir Fola de passage à Paris pour son concert au Sentier des Halles le 29 juin et nous on sera là le 30 juin. Big up Con Lambi. Big up Con Lambi. Yo, yo, yo. Monsieur c'est si ta énergie et valait pour tracer chemin là qui t'a brillé qu'au soleil. Allez, allez mon cher. La vie a continué. Essayez qu'un bébé ça ou ni ok. Konnambi.